sauver l'amour et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie. Qu'est-ce qui peut... C'est le punch. C'est bizarre. Ce son là, pourquoi ça fait ça? Alors je peux faire un a cappella. Déjà, c'est quoi le tempo? Qu'est-ce qui peut? Oula. Ma guitare est pas accordée. Le besoin par l'envie. Ah, j'ai pas de guitare, tu vois. Je ne suis pas accordé. Ah, merci. C'est bon, je l'ai écrit. Qu'est-ce qu'il faut ? Faudrait que je le fasse tranquille. Aïe, soigne-toi, mon petit. J'ai faim, moi. Avec ce froid, cet hiver glacial.